enfants de tout pays, tendez vos mains, meurtrice, mais l'amour, et puis donnez la vie. Enfants de tout pays, bonjour. Vous êtes bien sur Radio Fagette Nancy 94.2. Yves à la technique, Alexis pas loin de la technique, et Daniel en votre compagnie pour vous présenter Patchwork numéro 31 à l'écoute des musiques du monde. Alors la programmation d'aujourd'hui comprend un voyage musical en Irlande, trois coups de pouce à une jeune chanteuse Leila Wiswood, une promenade fleurie sur le sentier de la rose et le tout étoilé de zouk antillais. Allez zouk, conseil d'amis. Ah, je t'écris tous les jours, chérie, car loin de toi je m'ennuie. Et ma hantise qui vient la nuit, c'est d'être seule dans ce lit. Réponse du conseil d'amis, ne l'attends pas, refais ta vie, il ne mérite pas que tu comptes sur lui, conseil d'amis, Terry Record. Une île au large des côtes de l'Angleterre et du Pays de Galles, mais avec deux pays, la République d'Irlande et l'Irlande du Nord. La République d'Irlande, c'est le sud, la grande partie d'Irlande, et l'autre partie au nord, c'est donc l'Irlande du Nord. 5 millions d'habitants. Nous, on va parler de la République d'Irlande. 5 millions d'habitants, sa capitale Dublin, 1 million d'habitants, c'est la ville natale d'Oscar Wilde et de la Guinness, la bière. Autre ville importante, Cork, 200 000 habitants, Limerick, 90 000 habitants et Galway, 70 000 habitants. Deux langues officielles, l'irlandais et isitienne, et l'anglais, et puis la monnaie, c'est l'euro. Symbole, la harpe celtique qui figure sur les pièces de monnaie de l'Irlande, et puis le trèfle, cher à l'équipe irlandaise de rugby. Alors, la République d'Irlande est indépendante, tout ça n'a pas été facile, ça n'a pas été simple. En 1921 d'abord, mais ils sont vraiment libérés de l'Angleterre en 1949, lorsqu'ils sont sortis du Commonwealth. Et puis, la République d'Irlande a rejoint la communauté économique européenne, ou dans l'autre sens, en 1973. Le pouvoir intérieur brut a connu une croissance de 7,8 en 2015, soit le niveau le plus élevé de l'Union européenne. Et puis depuis, un chiffre revisité à plus 26,3, soit la croissance la plus élevée du monde. Irish Travers, Drunker Sailor. What will we do with the drunken sailor? What will we do with the drunken sailor? What will we do with the drunken sailor early in the morning? Way hey, and up she rises. Way hey, and up she rises. Way hey, and up she rises early in the morning. Shave his belly with a rusty razor. Shave his belly with a rusty razor. Shave his belly with a rusty razor early in the morning. Way hey, and up she rises. Way hey, and up she rises. Way hey. Premier coup de pouce à Laila Wiswood. Ben, elle est née en 1995. C'est une auteure, compositrice, interprète française, révélée en 2014 dans l'émission The Voice. Un extrait issu de son premier album. L'album, il s'appelle L'ombre. Je ne troquerai pas mon français qui sent la vinasse à plein nez, le bistrot du coin, le musette, les champs de lavande. Et la violette, mon français, Laila Wiswood. «

la rose le même jour vient se flétrir dans la chambre d'une fille en mal d'amour. Personne jamais ne suppose qu'il y ait le moindre lien entre le marin de Formose et la rose de Dublin. Et seul un doigt sur la bouche, un ange beau comme un éclair jette, quand le soleil se couche, des pétales sur la mer. Souhaitez-vous entendre le tube de l'été 2019, là, cette année, aux Caraïbes? Ah ben oui, Caraïban, d'où cannelle. L'Irlande avec des sites incontournables. Dublin tout d'abord et ses nombreux musées, le musée des écrivains, le musée national, la cathédrale du Christchurch et sa crypte, ses galeries abritant des trésors merveilleux. Et puis déambuler à travers les marchés, les rues pavées, les ruelles, et goûter des pintes servies dans les 1000 pubs de la ville, 1000 pubs à Dublin, bah oui. Galway, une ville où il fait bon vivre, une ville où on s'amuse tout le temps. Et puis le Connemara, ah non, non, je vous ai pas mis le disque. Le Connemara, une région de landes, de tourbes, de lacs et de criques. Le Kerry et sa route magnifique, ses sentiers montagneux et les plus merveilleux paysages, la beauté et l'originalité des panoramas dans le parc national de Killarney. Buren, une région désertique, riche en paysages quasi lunaires, paradis des randonneurs, grottes, dolmens, mégalithes, et puis une flore magnifique au mois de mai. Ah, n'oublions pas les falaises. Alors, il y avait les falaises de Moher, qui comptent parmi les plus hautes falaises d'Europe, falaises noires, au ton dramatique, dans un cadre sauvage, mais avec de superbes promenades aménagées. D'autres falaises, les falaises de Slieveleague, d'une hauteur de 600 mètres qui tombe à pic dans la mer, puis les îles de Haran, les îles sentinelles de l'Irlande, dernier refuge de la mythologie irlandaise, et on ne manquera pas le site archéologique. Et puis, il ne faut pas oublier que l'Irlande est le paradis des pêcheurs, n'est-ce pas Yves ? Lacs, rivières et océans, les conditions météorologiques favorise le développement d'un fabuleux mélange de poissons d'eau douce et de poissons d'eau chaude, capable d'émoustiller les plus expérimentés des pêcheurs, comme les pêcheurs des dimanches. C'est bien ça, Yves ? Oui, fait-il. Rose de Killarney, Hugo Duncan. Rose of Killarney, sure I love you. There was never a colleague with a heart so true. Sometimes I see, dear, a devil in your eyes. Don't ever leave me, Mavern, and I would die. My rose, rose, rose of Killarney, sure I. Flowers are blooming in Donegal. Every rosebud is wet with the dew. Of all the flowers in Ireland, none half so fair, dear, as you. Rose, rose, rose of Killarney, sure I love you. With a heart so true. Sometimes I see, dear, a devil in your eyes. Don't ever leave me, Mavern, and I would die. My rose, rose, rose of Killarney, sure I love you. Lassies I've met here in Donegal, eyes of brown, eyes of gray, and of blue. Dearer by far than his other gifts, I thank God he gave me you. Rose, rose, rose of Killarney, sure I love you. There was never a colleague with a heart so true. Sometimes I see, dear, a devil in your eyes. Don't ever leave me, but burning I would die. My rose, rose, rose of Killarney, sure I love you. Deuxième coup de pouce à Leïla Wissoud. Bercée par Brassens et Barbara, amoureuse des mots, Leila Wissoud chante l'urgence de la sincérité dans un style introspectif. Il y avait mes petits doigts glacés et ça m'allait bien. L'hiver n'a jamais vu l'été et je ne crois pas qu'il s'en plaigne. Les doigts glacés, Leila Wissoud. Tu ressembles au ridicule, va pas te vexer, mais quand je te vois, j'ai dans la tête cette conte formule qui me dit de plus dormir sans tes bras. Tu ressembles à rien de ce que je donnais à mes 20 ans. Il y avait ma gratte, un lit, une place et l'horizon au bout du vent. Jamais vu l'été, et je crois pas qu'il s'en plaint. J'avais pas tes grandes idées, ni ton baratin. Mon projet était bien ficelé, c'était la fuite à chaque train. J'avais ma gueule de rien du tout pour dire merde au destin, à l'endroit où le visage est un trou. Je criais le néant de mes intestins et ça sonnait bien. Qu'est-ce que je foutrais d'un trop plein? Il y en a au-dessus, en dessous et le milieu à le béguin. Il y a mes petits doigts glacés qui crament entre tes mains. L'hiver qui croise l'été, ça fait autant de peur que de bien. Qui crame entre tes mains, l'hiver qui croise l'été, ça fait autant de peur que de bien. Tu ressembles au ridicule, va pas te vexer, mais quand je te vois, j'ai dans la tête cette conte formule qui me dit de plus dormir sans tes bras. Tu ressembles à rien de ce que je donnais à mes 20 ans. Il y avait ma gratte, un lit, une place et l'horizon au bout du vin. Pour mes petits doigts glacés, moi j'irais choper des gants. Si l'été venait à se barrer, je garderais le chaud pour un moment. Moi j'irai choper des gants. Il y a toujours une fin à l'été, mais qu'il prenne son temps. Mais qu'il prenne son temps. Antoine Ely ne s'interdit rien. Il mêle trip-hop, rock, rap, pop, chansons françaises et électro. La rose et l'armure raconte l'idylle chaotique entre un homme et une femme, le couple se retrouvant après la sortie de prison. La rose et l'armure, Antoine Ely. Qui m'éloigne de mon passé. J'ai croisé une rose qui ne pouvait pas avancer. Pas qu'elle n'ose pas la chose, mais n'y avait jamais pensé. Depuis toujours tenant la pose quand les regards l'éclaboussaient. Elle a la couleur de l'amour, bien que je ne l'ai jamais croisée. Bien qu'à la lumière du jour, les fleurs sont toutes belles à crever. Alors j'ai mis la route en pause, à ses côtés me suis posé. Puisque cette rose semblait mon rose d'être seul au jour achevé. Ma rose, ma rose, ma rose, ma rose, écoute mes murmures. Ma rose, ma rose, ma rose, ma rose, tu peux être sûr que tu ne seras plus jamais. seul pour franchir les murs. Il y a de la place sur mon épaule pour une rose et son armure. Suivant la course du soleil avec nos yeux fatigués, on s'est raconté nos merveilles et nos tristesses irriguées. On n'avait pas grand chose à faire, alors on s'est allongé. Avec ma rose, j'ai fait la guerre à mon envie de voyager. Mais au matin, la route appelle, alors je lui ai proposé, si elle osait me faire l'honneur d'avancer à mes côtés. Même si ton armure est trop lourde, bien qu'elle t'ait toujours protégée, sache que la vie est sourde quand elle ne doit pas nous blesser. Ma rose, ma rose, ma rose, ma rose, écoute mes murmures. Ma rose, ma rose, ma rose, ma rose, tu peux être sûre que tu ne seras plus jamais seule pour franchir les murs. Il y a de la place sur mon épaule pour une rose et son armure. Traversant tous les bruits du monde avec ma fleur à mes côtés, me nourrissant à chaque seconde de sa douceur et sa beauté. J'ai croisé un ruisseau immonde qui a cru bon de refléter l'image d'un monstre aux plaies profondes, un guerrier triste et abîmé. Comment ma rose peux-tu subir pareille offense à ta splendeur? Et comment puis-je réussir à oublier quelle fut l'erreur de t'arracher à ton jardin à cause d'un vide dans mon cœur? Mais elle m'arrête et puis m'embrasse. Ma rose rit et moi je pleure. Ma rose, ma rose, ma rose, ma rose, écoute mes murmures. Ma rose, ma rose, ma rose, ma rose, maintenant je suis sûr que je ne serai plus jamais seul pour franchir les murs. Il y a de la place sur mon épaule pour une rose et son armure. Ma rose, ma rose, ma rose, ma rose, que ça peut être dur. Ma rose, ma rose, ma rose, ma rose, depuis que ma vie dure, je n'avais jamais eu personne pour guérir mes blessures. Jusqu'à ce qu'un jour une rose vienne se poser sur mon armure. Un zouk qui fait également un tabac à Pointe-à-Pitre et au Gosier. Encore un tube de cet été, je crois, file. Je crois que j'ai trouvé la femme de mes rêves. L'aimer voyait passer, tout comme moi, frissonner. Je crois que j'ai trouvé la femme de mes rêves. L'aimer fait danser. C'est sans l'amour qu'a coulé en vain à moi. J'allais monter, j'ai nous accéléré. Soleil levé, l'homme est tombé. L'amour vini parler. Rête écouter. Ta gentillesse m'a guidé à tirer vers toi. Et si on parlait de la pomme de terre en Irlande? Bizarre, hein? Tout d'abord, un homme. Il s'appelle Thomas Harriot. Il est né à Oxford en 1560 et il est décédé en 1621. Et ce fut un scientifique célèbre, mathématicien, astronome, physicien, mais pas que. Alors, mathématicien, en algèbre, on lui doit notamment les symboles d'inégalité. Vous savez, les petites flèches qui piquent le plus petit et le plus grand. D'accord ? En astronomie, c'est lui qui a commis les premiers dessins de la Lune à travers d'une lunette astronomique et 4 mois avant Galilée. Vous savez, Galilée, pourtant elle tourne. En physique, il est à l'origine des premiers travaux concernant la théorie de la réfraction. La réfraction, je vous en parlerai peut-être un jour quand on parlera des melons. Oui, oui, vous verrez. Alors, d'abord précepteur chez Walter Raleigh, il participa en 1585-86, donc il avait 25-26 ans, à une expédition en Virginie, expédition commanditée par ce même Walter Raleigh. Donc il bossait comme précepteur chez Walter Raleigh commandite une expédition, et on embarque le fameux Thomas Harriot. Et de cette expédition en Virginie, Thomas Harriot va ramener des plants de pommes de terre. Alors cette pomme de terre fut d'abord considérée comme un aliment de complément, plutôt plus rapidement, elle devint pour longtemps l'unique base de l'alimentation. Des couches sociales les moins favorisées pouvaient en profiter. Et des couches sociales qui étaient aussi affamées par les plantations établies par les colons anglais qui se réservaient les meilleures terres. Sa culture facile et son rendement à l'hectare supérieur de 50% à celui des céréales, dans des sols rocheux et des versants escarpés de la campagne irlandaise, délaissés par les Anglais, ont participé à sa rapide expansion dans tout le pays. Et partout où elle était introduite, la pomme de terre, on la faisait pousser dans des terres qui n'étaient pas des terres plutôt hostiles, comme on pourrait dire. Elle pousse partout. Si la pomme de terre a pu être d'un grand secours pour une population affamée sous le joug anglais, ce tubercule devenait l'élément essentiel de l'alimentation et de l'économie irlandaise. Seulement, il fut à l'origine de la pire catastrophe humaine que le peuple irlandais a jamais connue. En 1845, bon, ça fait quoi? Ça fait 170 ans, hein? Un champignon parasite, le mildiou, se propageait dans les cultures et rendait les pommes de terre impropres à la consommation. Les pertes humaines dues à la famine furent très importantes, près de 1 million de morts en Irlande pendant toute une décennie. En parallèle, les Anglais décidaient d'expulser les paysans qui n'étaient pas en mesure de payer l'impôt sur leurs terres. Moralité, sur l'Irlande, qui comptait 8 millions d'habitants, 10 ans après, ils s'en retrouvaient 6 millions. C'est vachement important, hein. Alors, famine plus expulsion contribuèrent à une émigration massive des Irlandais. Environ 2 millions d'entre eux quittèrent l'île pour les États-Unis et le Canada. Et depuis, tous les pays du monde se méfient de la monoculture. Et depuis aussi, les Irlandais n'étaient plus très copains avec les Anglais. On comprendra plus tard la révolution de 1921. Alors, gastronomie, bien entendu, de très nombreux plats irlandais intègrent dans leur recette la pomme de terre. Le colcannon se prépare avec des pommes de terre, de l'ail nouveau et du chou. Le champ, c'est une combinaison de purée de pommes de terre, d'œufs et d'oignons nouveaux. On consommera souvent des ragoûts et des plats à base de pommes de terre écrasées avec des saucisses. Le boxtail, c'est du bacon et du chou bouilli ensemble dans de l'eau. Alors, côté petit déjeuner, le petit déjeuner irlandais est célèbre. Thé ou café, jus d'orange, œufs brouillés, jambon grillé, bacon, saucisse, boudin noir, boudin blanc, pommes

que ramener d'Irlande. Ah, tout d'abord, une cladag ring, c'est une bague en or ou en argent, pour homme ou pour l'âme. Elle représente un cœur, l'amour, soutenu par des mains, l'amitié, et surmonté par une couronne, la loyauté. Alors, selon la manière dont la bague est portée, main droite, main gauche, direction du cœur vers le poignet ou vers le bout des doigts, elle indique si son propriétaire est célibataire, amoureux, fiancé ou marié. Voilà, il y a tout un tas de codes. Et puis on pourra ramener un vrai pull-over aussi, en laine d'Irlande, c'est assez cher, mais une vraie merveille de confort, à condition qu'il soit bien entretenu. Et puis, ah, ça vous pourrez l'offrir aux copains, une chope à bière Guinness, avec son verre officiel, qui sur option pourra être gravé. Un teddy bear, un ours. Une peluche mascotte d'Irlande représentant un ours, un mouton ou un leprechaun, à vous de choisir. Un leprechaun, vous ne savez pas ce que c'est. Si, vous saviez? Ah ben c'est bien. C'est une petite créature humanoïde, imaginaire, issue du folklore irlandais. Un vieil homme de petite taille, avec une barbe coiffée d'un chapeau, et vêtu de rouge et de vert. Et puis vous pouvez aussi ramener du whisky irlandais, du thé irlandais, du chocolat irlandais et du caramel irlandais. An Irish Pub Song The Rumshakes, c'est un groupe qui est passé à NJP Pulsation. Il est passé chez Paulette au dernier. Ben oui, oui, oui. Ça s'appelle An Irish Pub Song The Rumshakes. To go with the wall of hurling, stick in the shinty bowl, the brick, the brack, the crack, and all, let's call it an Irish pub. Caffrey's hard, Kilkenny, a pub, the Guinness pint, the cabbage crap, the yard, don't wanna be paddy trap, we'll call it an Irish pub. While I'll be fucked, to spit upon the holy book, the only crack you'll get is a slap in the ear. While I'll be fucked, to laugh and burst your filthy mug, if you draw one more shout, I'll give me beer. An Irish pub. The quick one in the filthy bug, the patent grass across the lug of the lady, oh, the dirty dog we got us an Irish pub. It's over to me, and over to you. We'll skip along the avenue, and who the hell is running through? We got us an Irish pub. While I'll be fucked, to spit upon the holy book, the only crack you get is a slap in the ear. While I'll be fucked, to laugh and burst your filthy mug, if you drop one more shot, I'll give me beer. We'll call it an Irish pub. Plastic cups are polished for all. We'll hold the blood right out the door. I'll let the knuckles back for more. We've got us an Irish pub. While I'll be fucked, to spit upon the holy book, the only crack you'll get is a slap in the ear. While I'll be fucked, to love and burst your filthy mug, if you draw one more shot, I'll give me beer. Gary on, kiss me, I'm Irish. Molly Malone, a bounce, a slanch, a plug, my home. We got us an Irish pub. It's split the punches, trick the willows, strike me up the rakes, a mellow, a lift, he never runs so shallow. We got us an Irish pub. While I'll be fucked, to spit upon the holy book, the only crack you get is a slap in the ear. While I'll be fucked, to love the first, you filthy mug, if you drop one more shot, I'll give me beer.